J'ai pensé à rien, j'ai pensé à tout, à ma vie, à demain, à ce pays de fou. Je rumine dans mon coin en pensant à mes rêves, mais tu sais, je ne fais rien. Moi j'attends qu'il crève. J'ai pensé tellement fort que les murs se souviennent de la vie, de la mort, de mes pensées sereines. Pourquoi ne voit-on pas que tout cela m'attriste? On ne me voit même pas, mais je pense donc j'existe. Mais je pense donc j'existe. J'ai tout fait, tout connu, et j'étais prête à tout. Une maison, une belle vue, tout ça c'est pas pour nous. Tu m'as promis 100 fois que t'allais me rejoindre, et que la chaleur de tes bras pourrait jamais s'éteindre. T'es resté avec lui de longues années de plus, et jamais tu t'enfuis, et toujours tu t'excuses de me faire patienter avec mes pensées tristes et de me faire pleurer. Mais je pense donc j'existe. Mais je pense donc j'existe. Tu m'as brisé le cœur encore une fois de trop. Tu avales mon bonheur comme un simple verre d'eau. Tu me montres un avenir qui ne serait pas si lointain. Mais quand je te vois sourire, je sens que je perds ta main. T'es retourné avec lui à l'appel de ses plaintes. Moi quand je pleure la nuit, je n'espère pas une étreinte. Tu enfermes ma vie dans un roman si triste que j'écoute mon ennui. Mais je pense donc j'existe. C'est qu'un personnage noir d'un roman oublié, d'une romancière bizarre qui est même pas terminée, et qui rêve d'un jour où la plume d'une belle écrira son amour au lieu d'une vie cruelle. Mais la belle préfère écrire un beau roman et le laisse dans le noir d'une page toujours blanche. Il aurait voulu vivre, penser être sur sa liste. Il ne peut pas sourire, mais il pense donc qu'il existe.